Section 9. Chapitre 17. 18. Chapitre 17. La cavalcade. Et pauvre Jeannine aussi, car elle souffrait cruellement de ce qui peut-être eût fait la joie d'une autre jeune fille. Elle avait accompli son sacrifice sérieusement et résolument. Cette journée rouvrait la plaie vive de son cœur. Il n'y avait pas bien longtemps que Jeannine s'était interrogée au dedans de son âme. Il avait fallu pour cela les regards soupçonneux de Madame Reine, sa rudesse succédant à la bienveillante affection, ses demi-mots cruels, tout ce changement enfin qui s'était opéré en elle et que Jeannine avait pu manquer de constater. Jeannine avait pour Madame Reine le respect le plus profond, la tendresse la plus dévouée. Elle se demanda un jour pourquoi Madame Reine avait ainsi changé. Hélas, la réponse ne se fit pas attendre. Aubry était fils d'un chevalier. Aubry était héritier de 3 domaines. Aubry avait devant lui tout un noble avenir. Et le père de Jeannine n'était qu'un pauvre écuyer. Ne vous étonnez plus si l'espiègle enfant est devenu en si peu de temps une jeune fille mélancolique et grave. Le soir même de ce jour où ses yeux s'étaient ouverts, Jeannine avait quitté le manoir. Dans cette humble boutique de la rue Miracle, où Dame Fanchon le Priole achevait sa vieillesse, la vogue était venue avec Jeannine. Les chalands abondaient depuis 2 semaines, nobles dames et bourgeoises accouraient pour voir la brunette dont tout le monde vantait le sage maintien et l'incomparable beauté. La brunette ne songeait guère à ceux ou à celles qui s'occupaient ainsi d'elle dans la bonne ville de Dole, elle s'était réfugiée tout au fond de ses souvenirs. Ne plus vivre qu'au passé, à 16 ans, c'est trop jeune, n'est-ce pas? Souvent, tandis que son aiguille distraite piquait la fine toile d'un rabat autour de la lèvre pâlie que vous eussiez vue comme le reflet d'un sourire, « À quoi penses-tu, petite mie ? » demandait la Le Priole. « À rien, grand-mère. » Elle pensait aux paysages enchantés qui encadrent le cours de la Rance, aux verts coteaux de Châteauneuf, à ce ravin sombre où messire Aubry s'asseyait au retour de la chasse, sous l'immense châtaignier dont le tronc se fendait. Une larme furtive mouillait alors les longs cils noirs de sa paupière. « Qu'as-tu, petite fille ? » demandait encore Dame Fanchon le Priole. « Rien, grand-mère. » Et quand la Le Priole ajoutait « Petite fille, on dirait que tu pleures. » Jeannine répondait effrontément, les yeux tout pleins de larmes. « Mais non, grand-mère, je ne pleure pas. » Et refoulant tout au fond d'elle-même ses pauvres beaux souvenirs d'enfant, elle pensait « Dieu est bon, je mourrai jeune. » Cependant, la cavalcade suivait le chemin tortueux qui longe le rivage. « Bête !» prononçait gravement la tante Joseph en s'adressant à sa vieille suivante. « Madame Reine de Kergariou et Morvert, fille de feu, mon honoré beau-frère, Monsieur Hu, et par conséquent ma nièce propre et germaine, puisqu'elle a pris les devants et que nous la retrouvons à Pont-Orson, je vous ordonne, bête, de lui faire par 3 fois la révérence de seconde dignité, la révérence de dignité première étant réservée au suzerain. » Vous descendrez de cheval, bête, et vous tâcherez de vous conduire de telle sorte qu'on dise « Voilà une suivante qui sait son cérémonial. »« Eh, mais, je crois bien, » répondra-t-on aussitôt, « c'est la suivante de la noble dame Joseph, douairière de la Croix-Mauduit. » Bête s'inclina comme elle le devait. « Approchez, maître Bibrel, » continua la douairière. Le vieil écuyer s'approcha. « Maître Bibrel, » dit la bonne dame, « Madame Reine de Kergariou et Morvert, fille de feu, mon honoré beau-frère, Monsieur Hu, et par conséquent ma nièce propre et germaine. Il paraîtrait, maître Bibrel, qu'elle a pris les devants, et que nous la retrouverons à Pont-Orson. Je vous ordonne de lui présenter le triple honneur de dignité seconde, l'honneur ou hommage de dignité première étant réservé au suzerain. Vous lui tiendrez l'étrier, maître Bibrel, et vous tâcherez de faire en telle sorte qu'on dise alentour, voilà un homme d'armes bien appris de tout point. « Eh, mais je crois bien, répondra-t-on alentour, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est l'écuyer de la noble douairière de la Croix-Mauduit. » Le vieil écuyer salua avec respect. Dame Joseph regarda son vieux faucon. Elle eut manifestement envie de recommencer pour lui une 3e fois sa harangue, mais elle trouva la force de résister à cette fantaisie. Le vieux faucon, revêche et triste, sommeillait sur le point ridé de la bonne dame. Les hommes d'armes de Morvert et ceux de Kergariou causaient de la fête prochaine et s'en racontaient d'avance les splendeurs annoncées. Aubry parlait avec feu, Berthe, le rose au front, heureuse comme elle ne l'avait jamais été en sa vie, l'écoutait et l'admirait. Ferragus et Dame Louise, les 2 lévriers du rose, gambadaient dans la poudre et se lançaient d'un bond par-dessus les grandes haies à la poursuite l'un de l'autre. Jeannin seul, le bel et bon soldat, ne parlait à personne, ne voyait et n'entendait rien. Les méditations où il s'enfonçait étaient si laborieuses que la sueur découlait de son front. « Si ma pauvre chère femme Simonette était encore en vie, pensait-il, tout en lâchant de gros et nombreux soupirs, elle me tirerait de là, mais Dieu me l'a prise, et moi, je ne sais pas penser tout seul. Non, je ne sais pas, poursuivit-il, en essuyant la sueur de son front, j'en deviendrai fou, c'est bien sûr. Est-ce qu'un secret pareil n'est pas trop lourd pour la pauvre cervelle d'un homme d'armes ? Le roi de France veut enlever Monseigneur le duc François. J'aurais pu mal comprendre le langage du roi, mais ce diable de nain me l'a répété, il ne me ment jamais à moi. » Il s'interrompit brusquement. « Et ne m'a-t-il pas dit aussi, s'écria-t-il en lui-même, que ma fille mourrait si je n'étais pas chevalier ? Dieu bon, j'ai eu grande frayeur un instant. J'ai cru qu'il y avait quelque mystère entre elle et messire Aubry, mais la voilà bien droite sur sa cnée. Elle n'écoute même pas ce que messire Aubry dit à sa belle cousine Berthe. Comme il lui en compte aujourd'hui à sa belle cousine ?» Ceci plaisait à l'honnête Jeannin et le fit sourire. « Chevalier, grommela-t-il en haussant les épaules, à la bonne heure. L'ami Fierabras n'y va pas de main morte. Chevalier, moi, Jeannin, l'ancien coquetier des quatre salines. Allons donc. » Il était parti de bien bas, le brave Jeannin. À l'âge de 18 ans, c'était encore un blond chérubin déguenillé qui courait les pieds nus dans le sable, pêchant des coques et rêvant à Simonette le priole, qui était autant au-dessus de lui qu'une reine est au-dessus de son page. Cet amour l'avait fait homme tout à coup, homme courageux. La veille encore, il avait peur de son ombre, mais au siège de Tomblaine, il se battit si bien que messire Aubry, le père de notre Aubry actuel, lui avait donné sa lance à porter. Depuis lors, Jeannin était devenu gendarme, mais chevalier, quelle moquerie ! Notez que la veille du jour où il se battit si belle et si bien au rocher de Tomblaine, si on lui avait dit « Demain, tu porteras la lance de messire Aubry », il eût répondu de même « Quelle moquerie !» Le défaut de Jeannin, c'était la modestie. Nous parlons sérieusement. La modestie est un défaut quand elle enchaîne l'audace, et ne pas oser le bien qu'on peut est presque un crime. Chevalier, il ne daigna pas même arrêter longtemps sa pensée à ce rêve impossible. Les préoccupations politiques ne tardèrent point à l'obséder de nouveau. Il n'avait point vraiment la cervelle qu'il faut pour débrouiller de pareils échevaux. « Puis-je laisser Monseigneur le duc en danger ?» se demandait-il. « Et si je l'avertis, il passera le Couesnon à la tête de ses compagnies. Je le connais, il le fera. C'est la guerre, et la pauvre Bretagne a si grand besoin de paix. » Que résoudre ? Fallait-il parler ? Fallait-il se taire ? Ici un danger, là un autre ? Les dernières paroles du vieux Morvert revenaient à la mémoire de Jeannin. Il entrevoyait l'agonie de la Bretagne, et sa détresse allait augmentant toujours parce qu'il ne découvrait point d'issue à ses perplexités. Comme il songeait ainsi, travaillant à vide, s'efforçant à tâtons, la cavalcade avançait. On avait traversé tout le marais de Dole. Au loin, on apercevait déjà les tourbillons de poussière et de fumée qui marquaient le lieu de la fête. Les hommes d'armes et Javotte trépignaient d'impatience, Javotte surtout, mit Jésus, car Marcou de Saint-Laurent, le démon de page, devait être à la fête, et Javotte n'était pas sans espérer qu'à défaut de l'écuyer Huel, le page demanderait un jour ou l'autre sa main rougeaude. L'escorte s'enfonçait dans le petit vallon danois. Le chemin se creusait, les talus couronnés de haies montaient. Au-devant des hommes d'armes de Morvert, un vieillard se montra, chevauchant sur un âne. « L'ermite du Mondol, l'ermite, le saint ermite !» Ces paroles coururent aussitôt dans la cavalcade qui s'arrêta d'elle-même. L'ermite du Mondol avait la vénération de tout le pays. C'était un saint d'abord. En outre, c'était un prophète. Dame Joseph de la Croix-Mauduit voulut mettre pied à terre afin d'exécuter une révérence de dignité seconde, la révérence de dignité première étant réservée au suzerain. Berthe et Jeannine descendirent également de cheval. L'ermite donna sa bénédiction aux hommes d'armes, inclinés sur le pommeau de la selle. Il était arrivé aux dernières limites de l'âge, et la majesté de la vieillesse brillait à son front, couronné de cheveux blancs. Son visage, amaigri par les austérités, disait énergiquement la force et la pureté de son âme chrétienne. Il salua la douairière et Berthe d'un léger signe de main. Quant à Jeannine, ce fut assurément quelque chose d'étrange. Il la bénit. Il la regarda, il lui dit « Dieu vous garde, ma noble dame !» Oh, oh, pensa Javotte, le bonhomme n'y voit plus goutte. Jeanine mit la main sur son cœur et faillit tomber à la renverse, car elle avait rencontré à ce moment-là même, pour la première fois depuis le départ, le regard étincelant d'Aubry de Kergariou. Berthe se demandait, « Noble dame, pourquoi, noble dame ?» Jeannin, qui avait dans l'esprit un monde d'idées confuses, ne prit point garde. Aubry, mettant un genou en terre, baisa la main de l'ermite et vida son escarcelle entière dans le sac de cuir qui pendait au cou de l'âne. L'ermite passa. Les gens de la cavalcade se disaient, « Noble dame, la fille de Jeannin, est-ce erreur? Est-ce prophétie ?» Berthe, avant de remonter à cheval, baisa Jeannine au front et lui dit, « Que Dieu le veuille, mamie. » Ce souhait venait du cœur, mais la voix de Berthe tremblait. Chapitre 18. La fête. Liesse, liesse, liesse, vin de France, cidre de Bretagne, hypocras et cervoise, gras double, boudin, saucisse, joie du ventre, fête de l'estomac, Noël, Noël. Ou, pour parler plus vrai, car le cri de l'allégresse populaire en Bretagne non bretonnante est énergique, gourmand et heureux. Hollard, hollard, hollard! Nous sommes à l'assemblée de Pont-Orson, des deux côtés de la rivière et sur le pont. Nous y sommes avec des connaissances et des amis, des boisseaux d'amis, des chartés de connaissances. Hollard, hollard, hollard, petite Jouanne, la gardeuse d'oie. Hollard, Pello, le bouvier. Hollard, Matelin, le pasteur de Gorée. Hollard, Goton, Mathurin sans dents et les autres. Sauf quelques différences qui existent encore entre les coutumes et les mœurs des deux pays, l'assemblée de Pont-Orson ressemblait énormément à nos fêtes des Champs-Élysées, de Pantin, de Clamart, de Saint-Cloud, etc. Les mirlitons florissaient sous le nom de trompettes d'oignon, les crécelles déchiraient déjà les oreilles. On courait dans des sacs, on essayait d'écraser un œuf à l'aide d'une baguette, avec une grosse tête de païen sur les yeux. On tirait à l'arc, à l'arbalète, à l'arquebuse. Les jeunes filles essayaient de couper à l'aveuglette des fils tendus avec leurs ciseaux. Tout ce que nous pouvons accorder à la couleur locale, c'est que les pièces de 10 sous s'appelaient des carolus ou autrement, et qu'il y avait des hommes d'armes au lieu de gendarmes. Tout le reste était identique. La graisse rance des cuisines en plein air offensait l'odorat comme chez nous. Les chevaux de bois couraient la bague, et pour compléter la parité, des baraques pavoisées d'horribles tableaux appelaient la foule à toutes sortes de spectacles attrapes. Et quoi, notre âge orgueilleux penserait-il avoir inventé le lapin à 12 pattes et le brochet qui chante? Débiles que nous sommes. Sous Louis XI, la jeune fille sauvage dévorait déjà des lambeaux de veau cru. Les chiens étaient savants, témoins la fameuse chèvre Djali. Sous Louis XI, l'Hercule du Nord, souvenance des invasions norvégiennes, prenait des poids de 100 livres entre ses dents et se promenait avec un archer de 5 pieds 8 pouces, armé de toutes pièces, au bout de chaque bras. La Palude, le chroniqueur Castret, parle d'un équilibriste du XIIe siècle qui portait 12 melons superposés sur la pointe de son nez. 12 beaux melons. Sibylle de Faenza marchait au plafond tête en bas. Gervais Givet, qui fut depuis bouffon d'un duc de Souabe, dansait sur des bouteilles ni plus ni moins que notre auréole. Couleur locale, où es-tu? Remarquez avec nous combien Goton, la doyenne des servantes du Rose, avait encore bonne mine, et combien Mathurin sans dents, son époux, était brave et proprement couvert. Goton, il est vrai, gardait la trace d'un coup de poing sur l'œil, mais Mathurin avait une bosse au front, et il ne convient pas de s'immiscer trop avant dans le secret des ménages. Ils avaient fait ensemble une route de 3 lieues. Quelques horions échangés allègent la fatigue et entretiennent la gaieté. La fête avait lieu, comme nous l'avons dit, sur les deux rives du Couesnon et sur le pont. C'était sur le pont même, en pays neutre, qu'on avait installé le fameux jeu de la grenouille, si cher au page Marcoux, et dont nous parlerons plus tard avec détail. Mathurin s'arrêta et s'assit sur le parapet. « Eh bien, fainéant, lui dit Goton, vas-tu rester là ?»« Non, répondit Mathurin. » Comme il ne bougeait point, Goton le tira par la manche. Mathurin regarda l'eau couler, mais il n'eut peut-être point de mauvaise pensée. « Écoute, femme, reprit-il, le Couesnon a un côté droit et un côté gauche. Lequel aimes-tu le mieux, du côté gauche ou du côté droit ?»« Le côté gauche, pardi, puisque c'est la Bretagne. » « C'est bon, dit Mathurin, qui sauta sur ses pieds. Je te laisse ce que tu aimes le mieux, ma femme. » Il s'élança dans la foule qui encombrait le pont et passa sur la rive droite du Couesnon. Goton ne put que lui tirer la langue. L'affluence était énorme. À chaque instant, des flots pressés débouchaient de toutes les sentes qui aboutissent à la route de Pontorson. Goton n'eut pas trop le temps de maugréer, elle fut entraînée par un des 1000 courants qui traversaient la cohue et se donna tout entière à la joie. La joie débordait. Sur 10 personnes prises au hasard, il y en a 9,5 qui aiment passionnément la poussière, le bruit, la presse, qui sont heureuses quand on leur écrase les pieds et qu'on leur enfonce les côtes, et qui respirent avec délice l'atmosphère viciée des foires, des salons, des tavernes bien bourrées, des salles de spectacle élégamment méphitiques. La foule dégage une sorte d'ivresse. Foule vêtue de satin ou foule vêtue de bure, entre ces deux genres de cohues, l'odeur varie sans cesser d'être mauvaise. C'est l'ail ou c'est l'ambre, c'est la saucisse brutalement insolente ou le sachet assassin. On aime cela puisque les parfumeurs vivent et que les charcutiers font fortune. Ajoutez ces chaleurs odieuses qui montent au cerveau et ces défaillances qui retournent violemment le cœur. Voilà l'attrait. C'est là ce qu'on adore, non pas seulement sur les bords du Quénon, mais partout. Or, jamais cohue si plantureuse ne s'était massée autour de Pontorson. Aujourd'hui la fête, demain les joutes données par le roi Louis XI à ses nouveaux chevaliers de Saint-Michel. Rennes, Dinan, Saint-Malo, Vitré, Fougères, Entrain, pour la Bretagne. Avranches, Granville, Mortain, Villedieu, Coutances, pour la Normandie. Avait envoyé d'innombrables curieux. La bure dominait, mais il y avait aussi de la soie, un peu d'ambre, parmi beaucoup d'ail. Paysans, bourgeois, soudards, mendiants, villageoises, citadines, enfants au maillot, jeunes couples, vieillards tremblotants, caniches dépaysées, bohémiens, pèlerins, baladins, tirelaines, badauds de tout âge, de tout sexe, de tout poil, se mêlaient avec ce furieux désir de voir, d'aller, de pousser, qui est l'assaisonnement de toute bonne fête. On buvait, on mangeait, on riait, on criait, on se battait, on s'embrassait. Quelques femmes et quelques petits-enfants étaient étouffés, çà et là, ou écrasés. Eh bien, que voulez-vous, on ne peut éviter cela. Faut-il renoncer à la navigation parce que l'océan a des naufrages? Plus tard, on dit avec plaisir, c'était beau, il y eut du monde d'étouffé. Une fête où personne n'est écrasé ne date pas. La rive normande était de beaucoup la plus riche en baraques et en spectacles. On y voyait de belles boutiques foraines, toutes reluisantes de clinquants et de faïences mordorées. Un peu au-dessus du pont, toujours sur la rive normande, il y avait un château, si voisin de la ville qu'on lui laissait le nom d'hôtel. C'était l'habitation des sires du Déron, branche de Raguenel. La terrasse du château, qui était vaste, dominait le pont et les deux rives. La dame du Déron, jeune encore et magnifiquement dotée, avait ouvert les portes de sa demeure à tout ce qui portait un nom noble. La terrasse regorgeait de parures et d'armures. Madame Reine, Berthe de Morvert et sa tante, messire Aubry, s'y trouvaient avec des dames et des chevaliers de France. De toutes les parties de la plaine, bien des regards se tournaient vers ce point lumineux où l'or et le fer renvoyaient en gerbes étincelantes les rayons du soleil. Mais nous ne nous trompons point. Voici dans la prairie un froc proprement décapuchonné qui s'en va de ci de là, semant des boisseaux de paroles sur son passage. C'est le digne père Bruno Labavette qui est là par permission spéciale du prieur des moines et qui ne perd pas son temps. Il apprend à chacun la nouvelle, la grande nouvelle qu'il tient du compère Gillot de Tours en Touraine, à savoir que M. Charles de France, qui n'est pas encore né, va épouser Mme Anne de Bretagne, qui naîtra peut-être. Chacun riait au nez du brave frère, mais il ne se déconcertait point et livrait gratis le secret d'État à tout le monde. Il allait dans la foule, cherchant le petit Jeannin, pour savoir le résultat de la visite du compère Gillot et où en était l'importante négociation. « Bonjour, Monique, » disait-il à la volée. « J'ai connu ta mère du temps qu'elle gardait les annons. « Bonjour encore, hé hé, Mathieu Boudin, vieux loup, trouves-tu toujours ce qui n'est pas perdu ? Viens ça, tiennet, mon homme, que je t'apprenne la chose, tu ne la diras pas. Monsieur Charles de France, fils aîné du roi Louis XIe, va prendre pour femme la jeune fille du duc François. » Bien jeune, en effet. Jeannin, lui, allait à l'écart, poursuivant la solitude introuvable et courbé sous le poids trop lourd des pensées qui emplissaient son cerveau. Ce qui lui revenait toujours, C'étaient les dernières paroles de M. U à l'agonie. L'heure annoncée, l'heure suprême avait-elle sonné pour l'indépendance de la Bretagne ? Jeannin se noyait dans son effort, son intelligence s'émoussait contre le problème insoluble. Il ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui. Il était seul dans cette immense bagarre, plus agité qu'une mer. Ma foi, la petite Joanne dansait là-bas, sur ses talons déchaussés, avec Yvon, le patour du presbytère. Elle dansait au son de la bombarde, qui nasillait une sorte de gigue à cadence soubresautée. Le Bignou accompagnait la bombarde fraternellement, le cher Bignou, bombarde et Bignou de nez qui trompette le plaisir bas breton. En dansant, la petite Joanne grignotait quelque chose de bon, car Yvon le patour savait la galanterie et n'eût pas laissé sa mie sans manger toute une gigue. Elle avait, n'en déplaise à votre délicatesse, les doigts et les lèvres tout brillants de graisse. Ça embellit une fillette. Yvon lui avait acheté une couenne de lard, croquante et bien rissolée, chez la Tardivelle fricotière qui portait pour enseigne « Ceux qui viennent, ceux qui s'en vont, manger du cochon d'Ardevon ». À quoi la Kermoreau de la Rive répondait sur son enseigne voisine et ennemie « Manger du cochon de la Rive, qui s'en va, qui arrive ». Ce dernier distique contenait un hiatus, mais il se sauvait par un solécisme. Patience, avant la fin de la fête, la Tardivelle et la Kermoreau s'arracheront bien un peu de cheveux. Fouasse, fouasse, fouasse de Saint-Georges-en-Gréhaigne. Tourte du vieux bourg de Mignac. Au cidre doux, pompette, au cidre doux. Les ivrognes qui battent la foule en zigzag, les filles qui s'affaissent en un rire malade, les gars qui jettent le grand cri de joie, holard, holard, holard. Les chapeaux et les bonnets qui volent en l'air, quelques coups d'arquebuse de loin en loin, et le troubadour qui hurle, en pleurant, à sa dame toujours, le chevalier fidèle. Qui veut des grous? Qui veut des noces? Qui veut des cimeriaux? La galette toute chaude, les crêpes de Basse-Bretagne, au Saint-Doux, à la cire, pain d'épices, gâteau à l'anis, cœur de sucre d'orge, mouchoirs de cou pour les filles, épingles à touffes de laine rouge pour les gars. Croix d'or, petit couteau, chapelet, ciseaux, bénitier, amulette. Or, ce n'est pas tout, et nous y voici enfin. Il s'agit de tirer la grenouille. Et les bons garçons du Rose, Marcou en tête, ont défié les Normands au beau milieu du pont. À tout coup, parmi les jeux chevaleresques, la grenouille est assurément le plus beau. Demandez à Joanne. Les parapets sont combles. Le pont est trop étroit. Allons les pharaons, allons les héros. Du haut de la terrasse de l'hôtel du Déron, nobles dames et chevaliers contemplent le tournoi rustique. Marcou a jeté son juste au corps de velours, il a saisi le court bâton de Cormier qui est l'arme de cette joute populaire. « Allons les Normands, allons les Bretons, les chevaliers se battront demain, nous autres, aujourd'hui, tirons la grenouille. » Fin de la section 9.